Tabner est resté une heure au gibet. L'heure écoulée, on l'a détaché. Et le soir, à 8 heures, on l'a enterré dans le cimetière, dit des étrangers, à côté du supplicié de 1830, Béas. Il y a encore un autre être condamné. C'est la femme de Tabner. Elle s'est évanouie 2 fois en lui disant adieu. Le second évanouissement a duré 1/2 heure. On l'a crue morte. Voilà, monsieur, j'insiste, de quelle façon est mort Tabner.